Il est 5h44, 43. Je lis les proverbes, surtout ceux de Lyubov Dormeur, avec leur préface qui rigole et j'hallucine. Les miens n'ont même pas de loin les tons. C'est de la pure glace aux pistaches, comme dirait notre hôte. Brûlure dans la moquette, goutte de sperme. Cappuccino à la terrasse, Google dans le regard, les gens du paparazzo sous l'orage. Parce que je n'étais pas mangé, je suis ta mère. Nous sommes déjà des mains. Cherche les désagréables, maudit ta famille et tes amis, le monde sera nouveau. S'entera ou non s'entera, la classe ouvrière, fréquence du merle, un geste d'amitié de l'avenir, l'alchimie fait. Un intellectuel de merde. Ceux-là sont mes intellectuels et mes frères, les chômeurs et les jeunes qui voudraient être réalistes sur un matelas gonflable. Le Messie à tarif réduit va au cinéma des exilés. C'est là son monde des oliviers avec sa Madeleine dans l'œuvre. Les grandes dames, bien sûr, ne dispensent pas leur répondant à l'ivrogne et au prophète. Mais 1000 poignards de dépit sur les rouges bleus de la Mère de Dieu. Voir la mise à mort du Christ et applaudir dans les processions de Semana Santa en Andalousie. On dit que je suis la société. Il parlera. À mon nom, les salauds des flics qui te frappera de sa matraque, l'incompétent qui te fera galérer, les banquiers qui n'est nulle part. On m'avoue cracher sur les images pieuses, le monde est plein de bonté. Comme un moustique qui joue du jazz. L'avion conduit l'encens, et l'encens prend son banc. S'assoit bleu, ciel, piscine, blanc, saxophone, Socrate. L'Amérique est pour toi, toi toujours, dans l'océan de retard. Amertume et liquide, une seule fois pour moi. La nuit est bleu clair, grand, d'eau, douche et de pleurs. Pour rien, j'annonce un visage d'hôtesse de l'air. Moustique qui, dans l'infini, se dénude souffle sur tes tons lesbiens. Ni fini, ni à tâtons, le ciel peut faire cesser ses désirs de piscine. J'oublie l'Amérique, la mer Ikea, je publie. Qui a mer à vivre et polir? Quelle piscine volante existe dans la nuit pour nous? Nous sommes des malades, des enfants, des moustiques. L'humide explose en sucre rose et mémoire. Au ciel, la bouse résidentielle appelle le miel et l'éclair. L'on parle de l'atome et les mots meurent. La pluie plie l'or et la nuit aux lettres anonymes. Nuit chimique et angoisse du mouillé et des piqûres de foudre. Je ne vais pas parler, je ne vais pas écrire, je mentirai davantage, davantage, mon amour.